à M. Bertin. Crois-moi, la brillante couronne dont tu flattes ma vanité, c'est l'amitié qui me la donne, sans l'aveu de la vérité. Fruit léger de ma foi bleuvaine, cet honneur n'est point fait pour vous. Modeste et connue à peine, vous me ferez peu de jaloux. Il est vrai qu'à la noble envie d'être célèbre après ma mort, je ne me sens pas assez fort pour sacrifier cette vie. Dans les sentiers d'Anacréon, égarant ma jeunesse obscure, je n'ai point la démangeaison d'entremêler une chanson aux écrits pompeux du Mercure, et je renonce, sans murmure, à la trompeuse ambition d'une célébrité future. J'irai tout entier aux enfers. En vain, ta voix douce et propice promet plus de gloire à mes vers, ma nullité se rend justice. Nos neveux, moins polis que toi, flétriront bientôt ma couronne. Peu jaloux de vivre après moi, je les approuve et leur pardonne.